Wesh Kérange, comment va la région toulousaine? Tu cherches quoi? Ça vient de MARS, la Zouija. Yeah, yeah. Hey, c'est Kérange, la Zouija. Yeah. C'est l'envoi du sud sale de Toulouse, yeah, en Marseille. Oh, oh. Ramène-toi. Yeah. Je me balade à Marseille, un casque sous les oreilles. Mets-toi à l'aise ou la misère a meilleur goût au soleil. Ah, appelle tes potes, ah, appelle tes proches. Fais pas ta crapule, tout le monde sait que t'as rien dans les poches. Yeah, j'ai pas de weed et pas de shit et pas de cannabis. Pas de sachet, nous j'carbure aux sorties de 10. Wesh Kérange, ça dit quoi à Montauban? Marseille est dans le cœur, nous chauffe pas ou on monte au front. Dans les blocs c'est trop chaud, l'attitude est trop vraie. Change pas la rue, la rue te change et là t'es choqué. Puis chauffer les rangs, ensemble quand y'a un freestyle ou vital. Nous appelle pas les racailles, attaille. On veut tout, on rappe tout, on met tout, on bouffe tout. On écrit tout, on produit tout, on est doué pour la hella. Tatoué à la villa, la Zouija. On veut tout réussir dans la vie et pas finir dans l'oubli. On veut tout sans rien demander aux autres. On va se taper à la porte. On veut tout, yeah. On veut tout, on veut tout. Mais c'est pas la vraie. La femme de Tony Parker. Je m'en tape du rap game tant que ma musique touche au cœur. Tout nouveau, tout choqué. On veut tout, non pas tout troquer. Tout drogué au son et qui pourra nous stopper? On aime quand ça brûle, quand l'ambiance est chaude, quand la foule hurle, qu'on fait péter le poste. On passe du dirty car nos vies en sont de même. Quitte à finir un jour au fond de la benne. Bienvenue dans le sud, ça nous même les minocrates. Le soleil tape autant que les BPM dans nos oreilles. Change de flow comme de day, comme de guy, comme de spliff. Comme si chaque lendemain était le renouveau de notre vie. On veut se tirer loin de là, quitter cette ambiance trop high. J'ai piraté la NASA pour choper la fusée Ariane. On veut tout, on ramasse tout. J'suis dans l'espace, toi t'es resté dans.